Ne dis pas que tu me détestes, serait-ce un nouveau test? Moi qui ne suis pas pro-test, j'ai réussi tous tes tests. Comment pas tous les tests? Alors là, je proteste, je joue pas les faux modestes. Je t'en prie Marie, l'heureux reste, je te promets un bon geste. Je vais lâcher du lest, du ménage je te déleste. Je t'abonne au Reader's Digest, ce n'est pas que je conteste, mais je sais tourner ma veste. Je mangerai tes plats indigestes, je t'en prie Marie, l'heureux reste. Il t'attend, garde l'est, il s'appelle Charles Ernest. L'eau de Cologne il empeste, moi je ne mettais qu'un zeste. Certes il a de beaux restes, mais il est plus très leste. Avec lui c'est presque un inceste. Je t'en prie Marie, l'heureux reste, tu verrais pas qu'Ernest tue sa mère comme Oreste, comme Édipe son père Oreste. Je ne veux pas qu'il te moleste, il a perdu le geste. Je te le dis d'un ton preste, il te fera pas monter à l'Everest, aussi bien que moi, alors reste.